Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet du Pré 1862. Question 150. De l'ivresse. L'ivresse est-elle un péché? Est-elle un péché mortel? Est-elle le plus grand des péchés? Excuse-t-elle du péché? 1. L'ivresse est-elle un péché? Saint Paul écrit, gardez-vous de vivre dans les débauches et dans l'ivrognerie. Romains 13, 13. Le mot ivresse s'entend de deux façons. Il signifie d'abord l'état d'un homme pris de vin, et, dans cette acception, il n'exprime pas précisément le péché de l'ivresse, mais la défaillance, qui en est la conséquence et la punition. Il désigne, en second lieu, l'acte par lequel on est tombé dans cette défaillance. Or, si cet acte en est la cause par la grande force du vin pris sans y songer, elle n'est point coupable, surtout si l'on n'a pas péché par négligence à s'en apercevoir. Telle fut, on le croit, l'ivresse de Noé, mais si un tel état résulte de l'amour et de l'usage déréglé du vin, l'ivresse constitue, en tant que volontaire, un péché compris sous la gourmandise. 2. L'ivresse est-elle un péché mortel? L'ivresse est produite de trois manières. Quelquefois on ne s'aperçoit pas que l'on fait un usage immodéré d'une boisson enivrante, il est possible alors que l'ivresse s'ensuive sans péché. D'autres fois on sait bien que l'on boit immodérément, mais on ne pense pas que tel vin soit de force à enivrer, l'ivresse est un péché véniel. Enfin il peut se faire que, remarquant en même temps l'excès que l'on fait et la force du vin, on aime mieux s'enivrer que de cesser de boire. Ce cas, qui est celui de l'ivresse proprement dite, constitue un péché mortel, car on se prive volontairement et sciemment de l'usage de la raison, dont on a besoin pour la vertu, et on se livre au danger de péché. Dans l'ivresse, dit saint Ambroise, on commet par ignorance beaucoup de crimes que la sobriété fait éviter. Note. Un homme ne s'enivre pas assidûment sans qu'il y ait chez lui connaissance et volonté. Manger ou boire plus qu'il ne faut, n'est pas toujours un péché grave. Boire sciemment jusqu'à l'ivresse, voilà le péché mortel. Fin de la note. 3. L'ivresse est-elle le plus grand des péchés? Les péchés charnels, parmi lesquels on compte l'ivresse, n'ont pas la gravité des péchés spirituels. Le mal est la privation du bien. Plus le bien dont il prive est grand, plus il est grave lui-même. Le bien divin l'emportant sur le bien humain, les péchés commis directement contre Dieu sont évidemment plus graves que l'ivresse, opposés seulement au bien de la raison humaine. Note. Néanmoins, comme l'homme est enclin au péché d'intempérance, dont les concupiscences et les plaisirs sont conformes à sa nature, saint Chrysostome a pu dire que le démon n'aime rien tant que l'ivrognerie et la débauche, non que ses péchés soient plus graves que les autres, mais parce qu'ils sont plus fréquents. Fin de la note. 4. L'ivresse excuse-t-elle du péché? L'ivresse, dit saint Augustin, excuse à l'hôte de son inceste. Distinguons l'état d'ivresse de l'acte qui le précède. L'état d'ivresse, qui paralyse la raison, peut, par le principe que l'ignorance rend les actes involontaires, excuser des péchés qu'il fait commettre. Quant à l'acte qui le précède, s'il a produit l'ivresse sans qu'il y ait eu péché, les fautes subséquentes sont totalement excusables. S'il a été coupable, il ne les excuse pas entièrement, elles sont volontaires dans cet acte même. Tout homme qui fait une action illicite est responsable de ses suites. Les péchés commis dans l'ivresse sont cependant atténués par l'amoindrissement du volontaire, Saint Augustin observe que l'eau doit être accusée en proportion de la culpabilité de son ivresse, et non suivant la gravité de l'inceste qu'il commit. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.